بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 101 dans l'explication du livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Kitab al-Tawhid, avec le charh du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, Qurrat Uyun al-Muwahidin, et les commentaires du Cheikh al-Fawzan, Hafidhahu Allah Ta'ala, de ce charh. Et on est arrivé toujours dans le chapitre Babun Maja'a fi dhabhi li ghayrillah, le fait de faire des sacrifices, de sacrifier pour autre que Allah, et le fait que ça représente une forme de shirk. On a expliqué ça dans les explications qu'on a mentionnées jusqu'à date, et il reste une partie encore à clarifier. On était en train d'expliquer le hadith des deux hommes qui ont été éprouvés. L'un d'entre eux, il a égorgé, ou bien si on veut plutôt, il a donné en offrande à l'idole des gens, hein, pour passer, il a accepté de faire une offrande à leur idole, tandis que l'autre, il a refusé, et il est mort à cause de ça. Il s'est fait tuer, donc, parce qu'il a refusé de sacrifier quoi que ce soit à autre que Allah Azza wa Jal. Donc on a commencé à expliquer ce hadith-là avec les explications de Cheikh Al-Fawzan. Et on s'était arrêté au dernier cours, justement, pendant cette explication-là, on s'est arrêté à un endroit. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit « وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ بَعْضُ النَّاسِ أَلَيْسَ هَذَا الرَّجُلُ يعني مكره يعني والمكره معفو عنه قال الله جل وعلا من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان نقول هذا ليس بمكره وما اعتذر بأن الذبح لغير الله لا يجوز وإنما قال ما عندي شيء أقرب فدل على أنه مقر بهذا الأمر ولم ينكر الشرك حتى ولو لم يذبح وإذا أقر الشرك وقال هذا صحيح أو أنتم على حق أو كلا على عقيدته فإنه يكفر بالله لأنه أقر الشرك فإذا ذبح له فهذا أشد ومن يذهب إلى مشعوذ أو ساحر ويقول له اذبح ويذبح ويذبح لكي يعالجه أليس هذا مثل الذبح للصنم ما الفرق بينهم وقد يعالجوه وقتها من باب الابتلاء والامتحان ولكن إن لم يتب فهو من أهل النار نسأل الله العافية فالواجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذا الأمر أن يتنبهوا لهذا الأمر ولا يتساهلوا في أمر العقيدة أو وأشد من ذلك أن الإنسان لا يوالي ويعادي على هذا الأمر وأنه يوجد أمم متقدمة ومتحضرة على هذا الشيء هل هم أكثر حضارة من قوم عاد أو قوم نوح أو قوم صالح وأصحاب الحجر فهل نفعتهم حضارتهم نفعهم تقدمهم لم ينفعهم المدار والعبرة بالعقيدة فالعقيدة هي سبيل النجاة أما الدنيا فلا قيمة لها إنما القيمة في العقيدة والدين هذا هو الذي عليه المدار لأن المشكلة الجهل بالحق وعدم تعلم العقيدة والتساهل في أمرها فلذلك يجب العناية بالعقيدة وتدريسها والتأمل فيها لأجل أن يعرف الإنسان الحق من الباطل ويعرف ما يضادها ويعرف ما يقويها ويثبتها العقيدة ليست شيئا سهلا عباد القبور يصلون ويصومون ويحجون ولكن يعبدون القبور ويقولون هذا هو التوحيد، وهذا ما أدركنا عليه آباؤنا والعلماء عندنا لم ينكروه. هذه أعذار عند الله؟ هل تنجيك أمام الله وأنت تقرأ القرآن وتسمع الأحاديث وتسمع كلام المحققين من أهل العلم؟ نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على معرفة الحق أولا، ثم القبول والاتباع ثانيا. D'accord. Donc le cheikh, il termine l'explication de ce hadith. On avait expliqué que la première personne, quand elle est arrivée, ils lui ont dit, si tu veux passer, il faut que tu sacrifies quelque chose, sinon on ne te laisse pas passer. Il a dit, je ne trouve rien. Alors ils lui ont dit, sacrifie n'importe quoi, même une mouche. Alors il a sacrifié une mouche et ils l'ont laissé passer. Et le deuxième, il a dit, non, je ne peux rien sacrifier pour autre que pour Allah. Alors ils l'ont tué. Et donc, le cheikh, il explique ici, il dit, est-ce que ça rentre pas dans la contrainte? La personne, la première, celle qui a égorgé la mouche, est-ce qu'elle rentre pas dans la catégorie des gens qui sont sous la contrainte? Hein? Donc, ils seraient excusés, puisque Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 106, dans Surat An-Nahl, et quiconque, yani, dit du kufr ou fait du kufr avec Allah, il fait le kufr. Hein, il renie Allah Azza wa Jal après avoir eu la foi. Hein, c'est quelqu'un qui est dans la mécréance, qui sort de l'islam. Mais Allah Azza wa Jal, il dit, excepté celui qui a été contraint alors que son cœur est en sérénité par la foi. Hein, il a la foi. Alors ça veut dire que s'il est sous la contrainte et qu'on l'a forcé à dire une parole de kufr ou à faire quelque chose qui est kufr, il sera excusé à ce moment-là. Parce qu'il est sous la contrainte. Sauf que le cas de cette personne qui a égorgé la mouche, est-ce qu'il rentre sous cette catégorie? Est-ce qu'il est sous la contrainte? Le cheikh, il dit non, il n'est pas sous la contrainte. Et la raison de ça, c'est quoi? C'est que il a essayé de justifier, ou bien plutôt pas justifier, mais c'est comme si quand on lui a demandé de sacrifier pour autre que Allah Azza wa Jal, il ne s'est pas objecté à ça en disant « Non, ça c'est interdit, ça c'est contraire à la foi, hein? Ça c'est du shirk ou c'est du kufr ou non, ce n'est pas permis. » Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Je n'ai rien à sacrifier. » En voulant dire que c'est comme s'il approuve le fait de sacrifier pour autre que Allah. Et la seule excuse qu'il a donnée, c'est de ne pas avoir quoi que ce soit à donner en sacrifice. Donc ça prouve qu'il accepte le fait de sacrifier pour autre que Allah et qu'il n'a pas condamné que ce soit du shirk de faire ça. Hein? Et donc le cheikh il dit même s'il n'avait rien sacrifié du tout, le fait d'approuver le shirk, eh bien ça consiste un acte de kufr en soi. Et donc si la personne elle approuve et elle dit oui le shirk c'est bon, hein? Si quelqu'un, même s'il adore pas des idoles, même s'il prie pas à autre que Allah, quelqu'un, il prie que à Allah, et il n'adore rien d'autre que Allah. Mais si tu lui demandes, qu'est-ce que tu penses du shirk? Il dit, non, il n'y a rien de mal là-dedans. Il n'y a rien de mal avec le shirk, c'est correct. Eh bien, ça veut dire que, du simple fait qu'il n'a pas condamné le shirk et qu'il a approuvé qu'est-ce que les gens font lorsqu'ils font le shirk, eh bien, ça, c'est une forme de shirk en soi. Et c'est une forme de kufr. Hein? Parce qu'il n'a pas renié le kufr, il n'a pas renié le shirk. Et donc, le fait de ne pas condamner le shirk, c'est équivalent à le faire, même si on ne le fait pas. D'accord? Donc, c'est pour ça que le cheikh, il dit, ici, il a approuvé du shirk et il a dit, oui, c'est correct. Et ce que vous faites, c'est la vérité, et c'est correct, et c'est acceptable. Hein? Et chacun, il a sa aqida. Et il y a des gens à notre époque qui ont cette idée-là. Parmi les gens qui se disent musulmans aujourd'hui dans le monde, il y en a une catégorie qui disent, chacun, il a le droit de croire à qu'est-ce qu'il veut. Hein? Et chacun il a sa religion, puis toutes les religions sont bonnes, et ce qu'il fait lui, c'est bon, et celui qui adore une vache, c'est correct, et celui qui adore une statue, c'est correct, et celui qui prie à Marie et à Jésus, c'est correct, et celui qui veut, par exemple, adorer Krishna ou Vishnu ou Rama, ou Yani, il peut adorer ce qu'il veut, moi ça me dérange pas. Celui qui dit ça, il a approuvé du kofr, il a approuvé le shirk, et donc c'est comme s'il l'avait fait lui-même, même s'il ne le fait pas. Parce que le musulman, il doit condamner le shirk, hein, toutes les formes de shirk, peu importe la religion, peu importe la personne, du moment qu'elle fait du shirk, et qu'elle dit du shirk, hein, ou qu'elle croit en du shirk, il faut condamner cette chose-là directement et ne pas l'accepter, ne pas l'approuver, hein, et considérer que c'est quelque chose qui est batil, qui est faux et qui est condamnable. Alors, sinon, la personne, si elle ne condamne pas, ça veut dire qu'elle l'a approuvé, ça veut dire que c'est comme si elle le faisait elle-même. Hein? Ça, c'est pour le shirk et le kofr. C'est la même chose pour les autres péchés aussi. Si tu vois quelqu'un qui vole, toi tu voles pas, mais tu vois les gens voler, tu dis oui, c'est correct, ils ont le droit de voler. C'est la même chose. Si tu vois des gens qui font le zina, tu dis oui, c'est correct, ils ont le droit de faire le zina. Même si tu le fais pas, c'est comme si tu l'avais fait. Parce que tu l'approuves. Hein? Tu condamnes pas ce qu'ils font. Et ça, c'est la mentalité actuelle des gens d'aujourd'hui qui ont accepté les mentalités des koufars. Et il y en a plein comme ça dans les pays musulmans, malheureusement. Et dans les pays non musulmans aussi, parmi les musulmans, qui vivent chez les koufars et qui ont cette mentalité-là. Ouais, non, chacun, il fait ce qu'il veut, la liberté. Et j'ai rencontré combien de gens, surtout au début quand j'étais converti, dans mes premiers temps, quand j'étais nouveau dans l'islam, et je rencontrais des ignorants comme ça. Et il me disait, celui qui veut aller dans le bar, il va dans le bar. Celui qui veut aller dans la mosquée, il va dans la mosquée. Chacun, il a sa liberté, il fait ce qu'il veut. C'est ça l'islam? Est-ce que c'est ça que Allah dit dans le Coran? Est-ce que c'est ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné? Jamais de la vie. Hein? Au contraire. Allah, azza wa jal, il nous dit, la ta'murunna bil ma'ruf, hein? Vous allez ordonner le bien. Ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal. C'est pas ils approuvent, ils font le bien puis ils laissent les gens faire le mal. Hein? Et il y en a, c'est pire même encore. Il y a des gens, c'est encore plus grave que ça. Ils ordonnent le mal, ils interdisent le bien. Et ça, c'est les munafiqines. Allah Azza wa Jal, il dit dans surat al-Tawba, hein, Al-Munafiquna wa al-Munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil-munkar wa yanhawna 'anil ma'ruf. Et le plus grand ma'ruf, c'est le tawhid, et le plus grand munkar, c'est le shirk. Le plus grand mal, c'est le shirk, et le plus grand bien, c'est le tawhid. Et donc le cheikh, il explique, il dit, ces gens-là, c'est pas des gens qui sont sous la contrainte. Ils ont approuvé du shirk. Il dit, c'est la même chose pour la personne. Hein? Donc il dit, le cheikh, si tu dis que qu'est-ce qu'ils font, c'est correct, que c'est permis, et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ça c'est du kofr avec Allah. Il dit, et si la personne, elle approuve du shirk, c'est déjà grave. Mais si elle a fait le shirk en plus, elle le met en pratique, et ça c'est encore plus grave. Et il dit, c'est comme la personne qui va voir un sorcier, hein, qui va voir un médium ou un charlatan comme ça parmi les gens qui prétendent connaître le raïb, ou qui prétendent faire guérir des gens avec du sihr. Ils vont voir ces gens-là. Et ça c'est du kofr. Le cheikh, il dit, si tu vas voir ces sorciers, et puis que le sorcier te dit, égorge un animal, et toi tu égorges l'animal, pour que tu puisses être guéri de telle ou de telle maladie ou de tel problème. Il dit, n'est-ce pas que ça c'est la même chose que de sacrifier pour une idole? Il dit, qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Il dit, c'est la même chose. Si tu vas voir un sorcier et te dit, égorge pour, hein, fais un sacrifice, c'est la même chose que si tu égorges pour une idole. Et il dit, et c'est possible que la personne, elle le fasse, ce sacrifice pour le sorcier, et qu'il soit guéri à ce moment-là. Et pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il veut l'éprouver dans sa foi. Parce que c'est une personne qui s'est détournée de la foi, qui s'est détourné d'Allah, alors Allah Azza wa Jal, il punit cette personne en faisant en sorte qu'elle s'enfonce encore plus dans son égarement parce qu'elle s'est aveuglée elle-même en suivant sa passion et en faisant qu'est-ce qui est contraire à la foi. Et ça, donc ça fait partie des épreuves et des tests. Vous imaginez le mushrik ou le kafir ou une personne parmi les gens qui sont parmi les musulmans qui va voir un sorcier ou qui va voir un kafir pour lui demander des choses et que quand il lui demande, eh bien la chose qu'il a demandé, ça lui arrive. Hein? Il le reçoit ou bien il l'obtient. Est-ce que ça devient pas une fitna pour lui? Bien sûr que ça devient une fitna pour lui. Parce qu'il va commencer à avoir des doutes par la suite. Mais si il m'a guéri, ou si j'ai été guéri après avoir été voir ce sorcier, ou après avoir demandé à ce chrétien ou à ce prêtre, est-ce que ça veut pas dire que qu'est-ce qu'il prie c'est vrai? Ou qu'est-ce qu'il fait comme shirk? Hein? Ça devient une fitna pour lui. Donc en réalité, on sait que c'est Allah Azza wa Jal qui a le contrôle sur toute chose. Et c'est lui qui guérit. Personne que lui peut guérir. Mais le problème, Allah Azza wa Jal, quand il voit ces gens-là qui se détournent, il les teste, il les met à l'épreuve. Et étant donné qu'ils se sont détournés de la vérité, eh bien Allah Azza wa Jal les égare à cause de ça, par ce genre de choses. Pour les punir et aussi pour les tester et les éprouver. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que c'est important, le cheikh il dit, c'est important de tenir compte de la aqida. Hein? Parce qu'il dit le cheikh, si la personne elle ne s'est pas repentie à Allah après ça, elle sera parmi les gens de l'enfer, nasallallahu alayhi wa sallam. Et donc l'obligation pour les musulmans, c'est de faire très attention à ça. Et de ne pas prendre les choses qui ont rapport avec la aqida à la légère. Hein? Et il dit encore pire, si une personne, elle va commencer à aimer ou à détester les gens par rapport à ces choses, à cette chose, par rapport au shirk ou au kufr. Hein? Il y en a des gens qui vont dire, oui, mais regarde, il y a des nations et des peuples, des grandes civilisations, regarde, c'était des mouchriquines. Hein? Et regarde qu'est-ce qu'ils font. Plein de découvertes et d'avances scientifiques et de découvertes technologiques. Ça devient une fitna pour eux quand ils voient ça. Comment ces gens-là, ils ont cette technologie alors que ce sont des koufars? Hein? Et donc le cheikh, il dit, n'est-ce pas que y a des gens qui ont eu plus de force et plus de technologie qu'eux encore, comme le peuple de Ad, le peuple de Nuh, le peuple de Salih, et yani Ashab al-Hijr. Est-ce que leur civilisation leur a servi à quelque chose? Est-ce que ça les a leur modernité ou leur progrès, est-ce que ça les a amenés quelque part? Ça leur a donné quelque chose? Non, ça ne leur profite à rien. Et au jour de la résurrection, tout le monde sera témoin de ça. Dans ce bas monde, les gens, ils ne tiennent pas compte de ces réalités-là. Parce qu'ils ne voient que qu'est-ce qui est superficiel, qu'est-ce qui est apparent. Et ils ne voient pas la réalité des choses selon la vision, la vue qui est basée sur la foi, l'analyse des choses qui est basée sur la aqida. Et donc, c'est ça qu'on doit prendre en considération et c'est de ça qu'on doit tenir compte. La aqida, c'est le chemin du salut. Tandis que la dunya, elle n'a aucune valeur. La dunya, elle n'a pas de valeur. La vraie valeur est dans la aqida et dans la foi, dans la religion. Et c'est là-dessus que tout le reste tourne, autour de ça, de ce principe-là. Il dit, mais le problème, l'ignorance de la vérité. Les gens ignorent la vérité. Et quand ils ignorent la vérité, ils ne peuvent plus distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et faux. ils ont des critères et des références qui sont erronés. Et ils voient qu'est-ce qui est faux comme étant vrai, qu'est-ce qui est vrai comme étant faux. Et le fait que les gens n'apprennent pas la aqida, ou qu'ils prennent la aqida comme étant une chose qui est futile, ou qui est, c'est-à-dire c'est secondaire. Et tu vois cette attitude-là chez certains musulmans, même certains qui prétendent faire la da'wah, ou qui prétendent travailler pour la da'wah, qui prennent la aqida comme si c'était quelque chose de secondaire, comme si c'était quelque chose de futile. Et tu le vois même dans certains programmes universitaires, dans certaines universités dans les pays musulmans. Tu vas dans certaines universités et ils traitent de toutes les matières, mais la aqida, c'est la dernière de leurs préoccupations. Et quand tu vois comment ils enseignent la aqida et quelle aqida ils enseignent, cette aqida qu'ils enseignent n'a rien à voir avec la aqida en réalité. C'est de la philosophie qu'ils enseignent, c'est pas de la aqida. Allahul Musta'an. Et ils pensent que c'est ça la aqida. La aqida, c'est la croyance des prophètes. C'est qu'est-ce qui est dans la révélation, dans le Coran et dans la Sunna. C'est ça la aqida. C'est pas qu'est-ce que les gens qui ont étudié les livres d'Aristote et Platon, c'est eux qui enseignent la aqida. Non. Ça, c'est de l'égarement. Nasallallahu al-afiyah. Et donc, le cheikh, il dit, il faut vraiment donner de l'importance à la aqida. Il faut l'enseigner. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut méditer sur cette aqida pour que les gens puissent la connaître et pour qu'ils puissent justement, à cause de ça, par la suite, être en mesure de distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et de savoir aussi ce qui s'oppose à la aqida. Et ce qui renforcit la aqida et ce qui la raffermit. Il dit, la aqida, c'est pas quelque chose qui est apprendre à la légère, quelque chose de facile, non. Il dit, les adorateurs des tombes, les ubad al-qubur, ceux qui adorent les tombes, parmi les gens qui se disent musulmans, dans les pays musulmans, il y en a des adorateurs de tombes. Ils font le culte des morts. Le culte des morts. Ça existe dans presque toutes les civilisations, soi-disant civilisations que les gens, auxquels les gens appartiennent dans le monde. Tu vas en Asie, en Chine, au Vietnam, au Japon, le culte des ancêtres, le culte des morts, ça existe. Tu vas en Afrique, la même chose, le culte des ancêtres, ils prient à leurs ancêtres. Allahul Musta'an. J'ai vu ça dans certaines cultures, c'est comme ça. Souvent, je passais comme ça tu passes devant des maisons, tu vois. Dans la maison, il y a un meuble avec les photos de leurs grands-parents ou de leurs parents qui sont morts, avec des chandelles et de l'encens et des lumières. Et là, ils viennent devant cette photo et puis ils se prosternent et ils prient. Demande aux ancêtres de les guider, de les protéger, de les aider. Ils pensent que les morts les entendent et ils pensent que les morts peuvent leur venir en aide et les aider et les orienter. Allahul Musta'an. Il y en a qui disent ça. Ils disent, mes parents, ils me regardent. Ils me protègent ou ils me disent, ils me font ci, ils me font ça. Non. Tes parents, ils sont morts, ils sont dans leur tombe, ils sont dans le barzakh. Ils peuvent rien faire pour toi et tu peux rien faire pour eux et ils ne peuvent rien faire, même pour eux-mêmes. Ils ne peuvent rien faire pour personne. Même pour leur propre personne, ils ne peuvent rien faire. Donc comment est-ce qu'ils pourraient faire quelque chose pour toi? Allah al-Musta'an. Donc le culte des morts, il y en a d'autres, c'est des saints, ils adorent des gens qui étaient des soi-disant des ulama ou des ubbad, des adorateurs, des gens pieux. Ils les ont enterrés. Et ils leur offrent de l'adoration. Ils leur offrent des prières, ils leur offrent ils leur demandent de l'aide en dehors d'Allah, ils leur font des sacrifices. Ils font des pèlerinages à leur, fête, à leur tombe. Chaque année, quand c'est la fête de ce wali, ou de ce cheikh, ils vont à sa tombe, ils font un festival autour de la tombe. Et ils pensent peut-être même que que c'est lui qui donne la baraka. C'est lui qui fait tomber la pluie. C'est lui qui fait pousser les récoltes. Hein? Et donc, ils vont à la tombe demander la baraka, demander la guérison. Et peut-être certains même, ils prennent de la terre autour de cette tombe. La poussière sur la tombe, ils la ramassent. Et ils vont mettre ça avec de l'eau, ils vont se laver avec, pensant qu'il y a la baraka du cheikh dans la poussière. Toutes sortes de bid'a, de shirk. Et ces gens-là, ils font ça. Et pourtant, ils font la salat, ils font le ramadan, quand c'est le ramadan. Ils font les prières 5 fois par jour. Et même qu'ils vont parfois même faire le hajj. Et quand ils reviennent du hajj, première chose qu'ils font, ils s'en vont à la tombe. Pour prier remercier le wali. Et ils disent, oh, c'est grâce à toi, je suis parti, je suis revenu en bonne forme, en bonne santé. Et je suis revenu sain et sauf. Hein, il va aller remercier le wali, faire un sacrifice à la tombe. Ça veut dire que toutes les bonnes œuvres qu'il a faites dans son hajj, il vient avec le shirk et il l'annule complètement. Nasallallahu al-afiyah. Et ces gens-là, ils ne réalisent même pas. Donc ils adorent les tombes. Et ils disent, c'est ça, c'est le tawhid. Et ils disent, c'est ça que nos ancêtres faisaient. Et les ulama, ils n'ont pas dit que ce n'était pas correct. Leurs ulama, à eux. Hein, chez eux, il y a des ulama qui sont égarés, malheureusement, ignorants et égarés, qui suivent leur passion, et leur cœur a absorbé le shirk et la bid'a. Alors, ils sont devenus passionnément amoureux de la bid'a. Hein, comme quelqu'un qui est amoureux. Hein, comme les koufars, quand ils disent l'amour est aveugle. Eh ben, eux, l'amour de la bid'a les a aveuglés. L'amour du shirk les a aveuglés. Ils sont devenus aveugles. Peu importe qu'est-ce que tu lui dis, il veut rien entendre. Tu vas lui lire tous les versets dans le Coran, il veut rien entendre. Tu vas lui lire tous les hadiths dans la sunna. À ce sujet-là, il veut rien écouter. Donc le cheikh, il dit, ces gens-là, ils vont dire, nos parents, ils faisaient ça. Et nos shuyukh, nos ulama, ils nous ont dit que c'était correct. Et le cheikh, il dit, est-ce que ça va être une excuse pour eux au jour de la résurrection? Est-ce que ça va les sauver devant Allah? Alors qu'ils avaient lu le Coran, qu'ils avaient entendu les hadiths, hein, et qu'ils avaient entendu les paroles des ulama qui vérifient les textes, qui retournent aux références pour vérifier les informations. Parmi les hommes de science, il y a les muhaqqiqin, qui vérifie les affirmations et les informations et qui ramène les choses à leur source pour être capable de vérifier, d'être certain que ce qui est mentionné dans les paroles des gens, c'est la vérité. C'est pas on accepte tout ce qui est écrit dans un livre d'un alim. Tu prends tout ce qui est écrit du début jusqu'à la fin parce que le alim, il l'a dit. Peut-être que le alim, il s'est trompé. Hein? Même les hadiths, tu prends pas n'importe quel hadith. Depuis que c'est écrit dans un hadith, dans un livre, tu vois un livre, tu lis, c'est écrit qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, toi tu le prends direct comme ça. Et souvent ça, c'est qu'est-ce que tu remarques, les gens qui agissent comme ça, c'est les soufis. Dans leur livre, c'est écrit qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puis là il y a quelque chose qui est écrit après, il y a aucune référence, il y a pas dans quel livre c'était rapporté, qui est-ce qui l'a rapporté, on ne sait pas. C'est quoi l'isnad, c'est pas mentionné. C'est juste qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et c'est tout. Et là eux ils lisent ça puis ils disent ah ça c'est la vérité. Non, il faut retourner à la source de ce hadith, savoir d'où il vient. C'est qui est-ce qui l'a rapporté? C'est quoi la chaîne de transmission? Et qu'est-ce que les ulama de hadith ont dit à propos de cette narration-là? Est-ce qu'elle est authentique? Est-ce qu'elle est faible? Est-ce qu'elle est fabriquée? C'est pas toute chose qui prétend qu'on dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam automatiquement. Ça veut dire que hein, on l'accepte les yeux fermés. Non. Jusqu'à ce qu'on soit certain de son authenticité. Si c'est dans Al-Bukhari, si c'est dans Muslim, on l'accepte. Parce que ça, c'est les hadiths sahih. Mais si c'est dans d'autres sunan, ou dans d'autres parmi les masanides, ou bien dans des, yani, des jawami', on vérifie la chaîne, on vérifie qu'est-ce que les ulama de hadith ont mentionné à propos de ce hadith-là. C'est pas on prend tout, mais malheureusement, il y en a des gens, tu vois, j'ai vu les livres de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils lisent? Dans leurs livres, il n'y a aucune référence. Et ça, c'est pour les paroles d'Allah, hein, dans le Coran, on sait les versets, c'est facile de les retrouver, mais parfois les hadiths, c'est un peu plus compliqué de les retrouver. Donc eux, ils marquent aucune référence. Et parfois des paroles qu'ils attribuent aux sahaba, sans aucune référence. Et parfois c'est des paroles qu'ils attribuent aux tabi'in, et aux tabi'it tabi'in, et aux imams, et aux ulama, aux imams des salafs, sans référence. Comment tu peux prendre des paroles sans référence? Ça, c'est pas possible. C'est pour cette raison-là, eux, ils lisent des livres et ils sont convaincus de qu'est-ce qu'ils suivent parce qu'ils pensent qu'ils ont lu des livres et que ça, c'est suffisant. Mais tout le monde sait que si tu te bases juste sur un livre comme ça, sans que le livre soit vérifié et sans que les références soient mentionnées, c'est clair que ça, c'est pas convaincant, et que c'est pas solide, et que c'est pas une preuve. Hein? Allah al-musta'an. Yattabi'una illa dhann. Wa inna dhann la yughni min al-haqq shay'a. Hein? Ils ne font que suivre la conjecture. Et la conjecture ne profite en rien par rapport à la vérité. C'est la vérité qui compte. Pas juste qu'est-ce que les gens pensent ou des prétentions. Allahu al-musta'an. Et donc, il dit le Cheikh ici, on demande à Allah Azza wa Jal de nous raffermir, ainsi que vous-même, dans la connaissance premièrement de la vérité, puis dans le suivi, dans l'acceptation et le suivi de cette vérité-là, en deuxième. Et c'est ça l'important. De connaître la vérité, et une fois que tu l'as connue, tu la suis, et tu l'acceptes et tu la suis. C'est ça la guidance. Al-ilmu nafi' wal-amalu salih. Hein? C'est ça la guidance. Et ensuite, le cheikh, il continue l'explication. Abdurrahman ibn Hassan, il continue l'explication, il dit Rawahu Ahmad, le hadith, l'histoire en question est rapportée selon Ahmad, et il dit Wa qawluhu an Tariq, wa huwa ibn Shihab, al-Bajali, al-Ahmasi, Abu Abdillah, wa qala Abu Dawood, ra'a an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa lam yasma' minhu shay'a. قال الحافظ إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي وإذا ثبت أنه لم يسمع منه شيئا فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح وكانت وفاته على ما زجم به ابن حبان سنة 83. أوكي بارفي خير إن شاء الله. سنة 83 يعني وفاته. وقال ابن القيم رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث قوله في ذباب أي من أجل ذباب. وقوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله كأنهم والله أعلم تقالوا هذا العمل وهو تقريب الذباب للصنم. فبين له صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا وَمَا هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ وَجَبَتْ لَهُ النَّارِ. Donc le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah, il mentionne que ce hadith, qui est rapporté par l'imam Ahmad dans la Musnad, il est rapporté selon Tariq, et son nom c'est Tariq ibn Shihab, al-Bajali, al-Ahmasi, Abu Abdillah. Et Abu Daoud, rahimahullah, il a dit à propos de Tariq ibn Shihab, il a vu le messager, il a vu le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a rien entendu de lui. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, لم يسمع منه لصغار سنه لا لأنه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم اجتماعا كثيرا وإنما رآه وآمن به ولم يجلس إليه لأن الصحبة تحصل برؤية النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به. Donc ici le Cheikh il explique que quand il dit ici qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'a rien entendu de lui, il explique que c'est parce qu'il était trop jeune. Il était petit quand il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien entendu de lui du tout, mais c'est parce qu'il était trop petit pour comprendre quand il l'a rencontré. Et donc, trouvé en sa présence, ou qu'il n'a pas été avec lui, ou qu'il ne l'a pas vu. Non, il l'a vu, et il a cru en lui, et il était, mais il ne s'était pas assis avec lui directement, ou dans le sens qu'il était trop jeune encore. Et il dit que les sahabes, la suhba, ça veut dire pour être considéré comme étant faisant partie des sahaba et comme étant un sahabi, les conditions que les ulama ont mentionnées, c'est que tu aies rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ayant cru en lui, ou bien que tu l'aies vu en ayant cru en lui. Exception faite de la personne qui est aveugle et qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si elle ne l'a pas vu, elle est quand même un sahabi. L'important c'est qu'elle l'ait rencontré et qu'elle ait cru en lui. Alors, elle est considérée comme étant un sahabi. Et c'est le cas de Tariq ibn Shihab. Et le Cheikh, il dit, et également Al-Hafidh. Al-Hafidh. Et ici, quand il dit Al-Hafidh, je pense qu'il parle de Ibn Hajar al-Asqalani. Il dit, إذا ثبتت أنه لقي أو إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. Donc s'il a été rapporté, si c'est authentique qu'il a rencontré le prophète صلى الله عليه وسلم, si c'est confirmé qu'il a rencontré le prophète صلى الله عليه وسلم, alors c'est clair que c'est un صحابي. Et Cheikh Al-Fawzan il dit, إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به في حالة لقائه فإنه يكون صحابيا. لأنه تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. Donc c'est ça. Si c'est confirmé que il a vu le prophète صلى الله عليه وسلم alors qu'il croyait en lui, alors il est un sahabi, parce que c'est ça la définition du sahabi: quiconque a rencontré le prophète صلى الله عليه وسلم en croyant en lui et qui meurt sur cela, qui meurt sur la foi. Et le Cheikh il dit, وإذا ثبت أنه لم يسمع منه شيئا فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح. C'est-à-dire que si c'est confirmé qu'il n'a rien entendu de lui, c'est-à-dire qu'il n'a rien entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors à ce moment-là, ça veut dire que sa narration est une narration qu'il a rapportée d'un autre compagnon. Il rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a pas entendu lui-même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il a entendu d'un autre compagnon comme lui. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est un hadith qui est mursal. Mais si le hadith mursal c'est un mursal d'un compagnon, alors dans ce cas-là, selon la position la plus correcte, c'est que c'est une parole qui est acceptée. Parce que quand le mursal, c'est un mursal d'un compagnon, d'un sahabi, alors dans ce cas-là, c'est acceptable. Parce que le sahabi, il rapporte d'un autre sahabi, donc c'est comme si c'était, yani, du même grade, si on veut, du même niveau. Et donc, dans ce cas-là, c'est permis. Et en même temps, la parole qu'il a rapportée, ce sahabi, elle est valide. Hein? Donc ça, c'est un sujet qui est connu. Et les ulama, ils en ont parlé et ils le mentionnent souvent dans leurs écrits à ce sujet-là. Donc, c'est une question qui est yani, connue parmi les ulama. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ça. Il dit « Mursal al-Sahabi maqboulun ala al-rajih inda al-muhaddithin. » لأن الصحابي لا يخبر إلا عن صحابي مثله والصحابة كلهم عدول والجهالة إنما تضر في غير الصحابي أما إذا كان الراوي من الصحابة وهو مجهول لم يعرف اسمه هذا لا يضر. Donc le cheikh il explique que si le mursal c'est le mursal d'un sahabi, c'est-à-dire il a rapporté de quelqu'un d'autre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un compagnon qui rapporte d'un autre compagnon une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les ulama, ils ont dit, les ulama al-hadith, ils disent que la position correcte à ce sujet-là, c'est que c'est une parole qui est acceptée. C'est un hadith qui est accepté parce que le sahabi, il n'informe que d'un autre comme lui, c'est-à-dire comme un sahabi. Un sahabi comme lui. Donc, il rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un autre compagnon comme lui. Et tous les compagnons sont fiables et honnêtes. Et leur parole est acceptable. Hein? Quand ils rapportent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de doute hein, qu'ils disent la vérité à ce sujet-là. Et donc, le fait qu'on ne sache pas hein, de qui un compagnon a rapporté, s'il a rapporté d'un autre compagnon, eh bien, le fait d'ignorer qui était ce compagnon-là, ça ne nuit pas, puisque la narration d'un sahabi, même s'il est inconnu, ça ne nuit pas à l'authenticité de cette narration-là. Et ça, c'est une règle, un principe connu chez les ulama, et ils en parlent souvent lorsqu'ils parlent des hadiths. Ensuite, le cheikh il explique et il dit que sa mort de ce sahabi, Tariq ibn Shihab, il dit, selon ce que Ibn Hibban a mentionné avec certitude, c'est qu'il est mort en l'an 83, après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn al-Qayyim al-Jawziya, rahimahullah, Ibn al-Qayyim al-Jawziya, il dit que l'imam Ahmad a rapporté donc ce hadith-là et il rapporte avec la chaîne de transmission. Et il dit, en ce qui concerne sa parole, quand il dit qu'un homme est rentré au paradis à cause d'une mouche, hein? Il dit, c'est-à-dire, dernier en arabe, fi zubab, hein, dans une mouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à cause d'une mouche. Donc il explique que fi ici c'est dans le sens de min ajli. Hein, min ajlihi. Et le cheikh il dit fi zubabin alba, hein, alba sababiya, ay bi sababi al-zunub. Le cheikh, je pense ici, quand il dit ici « alba sababiya », je pense qu'il veut dire ici « al » yani « fi »« fi as-sababiya » parce que c'est pas un « ba », c'est un « fa »« fi » yani « fa » et « ya » Et non. Donc ici ensuite le cheikh il dit qawluhu qalu, donc quand ils ont dit et comment au messager d'Allah, c'est-à-dire il dit لأن ذلك محل عجب كيف دخل النار في ذباب, c'est-à-dire il y a un homme qui est rentré en enfer à cause d'une mouche. C'est ça le hadith, un homme est rentré en enfer à cause d'une mouche et un autre qui est rentré, c'est ça, دخل الجنة في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. Donc, les sahabas ont entendu ça, ils étaient étonnés. Ils disent, comment, ô messager d'Allah, comment quelqu'un peut rentrer en enfer pour une mouche et un autre rentrer au paradis pour une mouche? Donc, ils sont étonnés de ça. Et effectivement, c'est quelque chose d'étonnant. Et le cheikh, il explique. Et il dit, c'est probablement le fait qu'ils se posaient la question, et Allahu A'lam, entre eux, ils essayaient de deviner ou de discuter, à savoir... Yani, pour quelle raison ces deux personnes-là sont rentrées, donc un en enfer et l'autre au paradis, à cause d'une mouche. Donc comment ça, hein? Comment ils ont essayé de comprendre en se posant la question entre eux. Finalement, ils ont demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de leur demander. Hein? Et parce que... Ou bien peut-être aussi ils ont considéré que c'était quelque chose qui était yani, petit, hein, en voulant dire une mouche, c'est rien une mouche. Pourquoi on peut rentrer en enfer pour une mouche? Et c'est ça aussi que beaucoup de gens font, l'erreur qu'ils font. C'est de regarder la grandeur de ce qu'ils font comme péché, puis quand ils voient que la chose est petite, ils la dénigrent ou bien ils la prennent à la légère en disant oh, ça c'est rien, c'est juste hein, un petit péché parce que c'est une petite mouche. Une mouche c'est petit, donc c'est pas grave si on l'a, hein, si on la égorge ou si on la sacrifie pour une idole. Hein? Comme si le shirk devenait moins grave lorsque l'animal était plus petit. Et que si l'animal est plus grand, alors le shirk devient plus grave. Non! Ça n'a pas rapport avec la grosseur de l'animal. Le shirk, c'est le shirk. Hein? Que l'animal soit gros ou que l'animal soit petit, c'est un shirk. Si tu égorges un éléphant pour une idole, c'est la même chose que si tu égorges une souris ou une mouche. C'est la même chose. Hein? Une vache, un chameau, ça c'est gros. Tu dis, ah ça c'est gros, c'est des gros animaux. Donc ça c'est grave. Mais une souris, une araignée, ça c'est pas grave. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas la grosseur de l'animal qui détermine. Ou bien même le péché, c'est la même chose. Il y a des gens qui disent, ah, ça c'est juste un petit péché, j'ai juste volé un petit truc. Et l'autre, il a volé quelque chose qui coûte très très cher, il dit, ah, ça c'est grave. Mais si tu vois juste une petite affaire, là, ça, c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Allah Musta'an. Déjà, dans le fait de ton cœur d'avoir juste même, disons, hein, accepter ça, c'est déjà grave. Allah Musta'an. Donc, imagine celui qui le fait. Et donc, c'est ça que le cheikh, il explique ici. Il aura expliqué, le cheikh, il dit, il aura expliqué que celui qui fait ça, et qu'est-ce qui est plus grand encore, eh bien, l'enfer sera obligatoire pour eux, ces gens-là. Et le cheikh, il dit, لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالتَّقَرُّبِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ وَلَيْسَتِ الْعِبْرَةُ بِمَا يُقَرَّبْ قِلَّةً أَوْ كَثْرَةً. Il dit, qu'est-ce qu'on considère ou qu'est-ce qu'on prend en considération, c'est le fait de sacrifier, hein, pour autre que Allah et de chercher à se rapprocher à autre que Allah par une adoration. Et il dit, c'est pas la, on ne considère pas la chose par rapport à la quantité ou la grosseur ou la petitesse. Hein? C'est pas ça qui détermine qu'est-ce qui est grave et qu'est-ce qui n'est pas grave. Allah al-Musta'an. Donc c'est important d'avoir des bonnes compréhensions de ces choses-là pour éviter que des gens tombent dans le shirk sans le savoir. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, on continuera au prochain cours bi'idhnillah la suite de cette explication très importante. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته